Exercice 10, page 124. A. Il a du fenouil? Transformer. Il y a du fenouil. B. Il a de la vanille? Transformer. Il y a de la vanille. C. Il a des lentilles. Transformer. Il y a des lentilles. D. Il a des myrtilles. Transformer. Il y a des myrtilles. E. Il a des groseilles. Transformer. Il y a des groseilles. F. Il a du tilleul. Transformer. Il y a du tilleul.